qui comprend ça? Parce que peut-être si c'était dans la nuit, le matin, mon cerveau physique ne capte pas grand-chose. Donc il me dit que c'est en fait parce que j'ai tellement été moulé par le Saint-Esprit. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que l'esprit ne parvient pas à transmettre ça au cerveau parce que la tête a les problèmes. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, il y a des phasages entre l'esprit et le physique, le cerveau physique. La tête a les problèmes parce que jusqu'à maintenant, j'ai des cauchemars, j'ai vraiment des problèmes spirituels. Il a dit qu'il est là, que ça doit partir. Maintenant, je vais d'abord couper là. Il m'a donc dit le Saint-Esprit, par exemple. Il m'a dit que les hommes de Dieu là, oh, je suis de tel obédient, il dit que son église est une sainte, que ça ne va pas changer. Qu'il passe le temps à se fustiger. Il dit que son église est une et sainte, et que ça va rester comme ça. Que ce qui se passe là maintenant, qu'il y a tel. Il dit que lui-même il contrôle ça. Il me l'a dit. Il dit que lui-même il contrôle, c'est ce qui se passe. Et c'est là où il va, avec son église. Il dit que vous, les hommes, que vous divisez même comme vous divisez là. Mais il dit que son église est une et c'est là où ça va. Donc il me l'a dit. Il me dit donc qu'il faut que je rencontre un pasteur. Et que je rencontre aussi un prêtre catholique. Mais le Seigneur Jésus-Christ m'a dit que moi je suis descendu te délivrer de ces choses qui ont été faites sur toi, étant enfant. Si tu veux, va dans les groupes de prière, je ne t'interdis pas. Mais je dis que moi-même je vais personnellement faire cette histoire. Et ça s'est passé. Mais maintenant, quand l'esprit... Tu dis que ça s'est passé, ça veut dire que tu as été délivré. Tu dis que ça s'est passé, tu as été délivré. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de parler. Maintenant, j'aime pas envie de vous faire comprendre quelque chose. Maintenant, l'Esprit de Dieu me dit maintenant, il faut que tu cherches un pasteur. Tu cherches à voir un pasteur. Tu cherches à voir un prêtre. Et tu leur en parles un peu ce que tu vis. Et tu vas venir me dire ce qu'ils en pensent. Oui, tendance. J'ai rencontré un pasteur. Quand j'ai parlé au pasteur, le pasteur, lui, non, il a même expliqué beaucoup d'autres choses. Parce que quand le Seigneur, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se passe, il n'entre pas dans les détails de manière que voilà, telle histoire. C'est comme si c'est un peu aussi comme des paraboles que, bon, quand tu rencontres un homme de Dieu, tu éclaires. Si tu. Ah, il a dit ça. Oui, peut-être c'est ce qu'il voulait. Ah, oui, je comprends. Je vois un peu. Vous voyez un peu. Donc, en fait, c'est ça. On peut avoir le nom du pasteur. Non, c'est le nom du pasteur est important. Déjà, elle a dit qu'elle était voir le pasteur qui avait pris pour qu'elle reçoive le Saint-Esprit. Tu as vu Oui, je les avais rencontrés tous. Donc maintenant, alors quand je suis allée revoir le pasteur, c'était un autre pasteur maintenant que je suis allée rencontrer. Quand je lui ai expliqué, que lors de mes délivrances, quand il me délivre, que ce soit l'Esprit Saint ou le Seigneur Jésus-Christ, quand ils viennent un peu aussi comme on prie là. C'est des hommes de prière, je ne savais pas que Dieu prie. Si c'est le Saint-Esprit, dit au nom de Jésus-Christ, toi, esprit de machin, je te dis de sortir, de te mettre dehors et tout. Alors, une fois, le Seigneur Jésus-Christ me délivrait. Il a dit que je faisais souvent un geste là. Il a dit que je ne fasse plus ça. Maintenant, quand j'étais en présence de l'Esprit de Dieu, il dit, puisque c'est souvent que même si je pense quelque chose dans le corps, je n'ai même pas besoin de parler. Il dit, ah, je suis en train de penser dans mon cœur. Il a dit que tu ne fasses plus tel genre. J'ai fait d'abord aller le voir, lui demander pourquoi il dit ceci. C'est un respect parfait. Et t'as dit, comment j'ai dit. Donc le Saint-Esprit donc dit que quand il va aller, renseigner au Christ. Pour qu'il s'entende, pourquoi il. J'ai dit, merde. Donc, pas merde, mais j'étais un peu. Tu dis, waouh, donc ils s'entendent comme ça. Ils un grand respect. Comme ça. Oui, dans un grand respect qui. Le Saint-Esprit, il respecte tellement Jésus qu'il ne peut pas te prendre une décision. Et le Seigneur Jésus, c'est la même chose. Le Seigneur Jésus qui m'avait confié que lui, il a peur de dire Saint-Esprit. Saint-Esprit que vous chantez là. Il dit que lui, il a peur de dire même Saint-Esprit. Ça t'a paru bizarre. Ça t'a paru bizarre que le Christ là. Non,

Oh, je vais en venir, je vais en venir, je suis en train de... Oui, j'ai tellement, j'ai pris le volet de tout à l'heure, ça fait que je perds un peu ce que je voulais vous dire, j'ai un peu perdu, c'est ce que je voulais un peu... En tout cas, le but c'était de parler de la, cette communion avec l'esprit et le quotidien avec, avec lui. Oui, le quotidien avec lui, il y a un aspect que je voulais attirer, je voulais un peu... Dans cette intimité, donc, la parole, c'était comment? C'est comment la parole et la prière? À l'église catholique, tu as dit tout à l'heure que tu étais voir un pasteur. Tu n'as pas dit l'aspect du prêtre. Tu en as aussi parlé au prêtre. Maintenant, je suis en train de travailler avec le prêtre. Le prêtre, lui, m'avait dit de rédiger. Il va lire. Oui, qu'il va lire. Tout ce que tu as de l'écrire, si c'est faut écrire, ça va faire combien de livres? Il va pouvoir lire ça. Je modifie tout le temps parce que c'est, j'écris tout le temps parce que ce que j'ai écrit au prêtre, je lui ai donné. Je n'avais même pas développé tous les thèmes que j'avais. Je lui ai dit que j'allais développer au fur et à mesure. Donc ce que j'ai aussi écrit, c'est là. Mais j'ai aussi ça sur la clé. J'écris et je n'ai, le manuscrit même, je n'ai pas. J'ai le manuscrit à la maison. Donc, généralement, quand le prêtre m'a dit d'écrire, c'est ce qui me venait en tête là que j'ai essayé d'écrire. Mais j'ai vraiment écrit. Je compte que quand ça sera je serai un peu stable, je vais mettre tout ça par écrit. Parce que je pense même que pour lui, quand il m'a dit d'écrire, c'était beaucoup mieux. Là, il allait. Parce que quand je vous dis, vous voyez, je tire. Après, alors que quand tu es seul, tu peux essayer de t'arrêter un peu, réfléchir, avancer. Des fois, même quand. J'écris même parfois, c'est sous son inspiration. Il dit que quand tu parles à un homme de Dieu, ne lui dis pas, ne tire pas comme je suis en train de tirer là. Il dit que parce qu'il risque de se perdre. Il dit que tu vas... Droit au but. Oui. Et il m'a même dit, quand je vous disais tout à l'heure que je n'aime pas trop parler de ce côté-là, parce qu'il m'a dit que, tu vois, c'est les êtres humains. Quand tu parles de quelqu'un que je... j'ai parlé avec le Saint-Esprit. À côté encore, tu dis que tu as des manifestations, que l'ennemi machin. Ça crée des ennemis. Il dit que lui, ce qu'il m'a dit, il dit que s'il préfère que je dise que si que je dise par exemple que voilà, voilà, je parle si je peux dire des révélations. Que sans parler des deux, mais bon. Je ne sais pas si j'ai failli ou je ne sais pas. Parce que tout à l'heure, j'étais un peu en débat avec moi-même pour dire que est-ce qu'il faut que je parle à ces hommes de Dieu, c'est de ce côté-ci. Parce que lui-même, il a dit que ce qu'on vous dit à l'oreille, criez-le sur les toits, et tout. Maintenant, avec le Seigneur Jésus-Christ, on a prié, on a. Maintenant, il m'a dit que. Qu'il m'a dit, j'ai aussi fait l'expérience de parler un peu avec le Père aussi. Moi-même, j'étais déjà perdue à un moment donné. J'ai dit que moi, si c'est même moi vraiment, ce n'est pas les manipulations du malin par hasard. Tant que tu arrivais à nouveau, tu disais que c'est sûr, c'est le malin qui a de mieux m'appeler. Dès que j'ai dit ça dans mon cœur, il dit que. Lui commence à me dire à dire ce que je suis en train de dire dans mon rite, que comme tu as le but là, tu pries, et tu dis qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, il te dit ce que je dois lui dire, qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te commande de partir, si c'est un esprit de moi. Ça peut aller, tu ne sens pas trop froid. Ça va. Comme tu me vois toujours en pull. Non, c'est le climat de Yaoundé. C'est bon, le climat de Yaoundé est bon, non? C'est comme le climat ici. Non, c'est que moi, je ressentais déjà la fraîcheur. Toi, Dieu est de Yaoundé, tu ressens la fraîcheur. Moi, je sors des doigts là, je suis à l'aise comme ça. Mais on a eu froid ici, hein, pendant les saisons de pluie. C'était très froid. Donc, quand je pense à l'intérieur, il répond directement. Lui me répond. C'est-à-dire que je n'ai. Jusqu'à maintenant, je suis comme ça. Et je suis que quand. Peut-être, si j'ai eu par exemple, parce que le Saint-Père m'avait dit que, comme je suis en train de vous dire là, que j'ai eu beaucoup de problèmes dans ma vie, d'un mari souvent d'être très triste. Il dit que quand tu entretiens des pensées Christ là, je vais te voir au ciel là-bas. Vous voyez, quand il vous dit qu'il va vous voir là-bas, c'est la vie des pensées Christ.

de choix là-dedans. Et qu'elle est au ciel et qu'il est effectivement au ciel, corps et âme. Avec sa, avec sa, oui, sa maman. Avec sa mère. Bon, et quel est le rôle de sa maman dans ce cas? Le rôle de sa mère. Qu'est-ce qu'il a dit que son, le rôle de sa maman, c'est quoi? Il dit que sa mère est co-rédemptrice. L'une des personnes oui. qu'il écoute beaucoup. Qu'il dit quand, il me dit ceci, qu'en fait, j'ai écrit ces... Tu as écrit ça pour donner au prêtre? Oui, je lui ai donné. Ce que tu dis là maintenant, que tu en as écrit pour donner au prêtre, est-ce que cet aspect de Marie, si tu as dit ça au pasteur que tu as rencontré? Au pasteur. Ce que j'en ai dit de Jésus qui a parlé de sa maman. Avec le passé, on n'a pas beaucoup développé. Hein. Ah, ok. Oui, on n'a même pas, je dirais même qu'on n'a pas travaillé dessus. Parce qu'ils m'ont tout de suite mis, comment je peux dire, qu'il fallait la délivrance et tout. Mais il était conscient qu'il y a quelque chose qui se passe en moi. Parce que quand je lui expliquais, quand je lui parlais, il s'attardait seulement à mieux expliquer ce que je suis en train de lui dire. Parce que quand je lui dis que, je lui explique mon étonnement de la façon dont les trois personnes de la Très Sainte Trinité se respectent, il dit que oui, plus si c'est normal, il y a une hiérarchie. Complémentarité entre eux, il n'y a pas de domination, c'est que c'est normal. Donc il s'attarde beaucoup plus à s'attarder à. Eh bien, dans ce cas, comment il dit que, non, que tu as encore besoin de délivrance? Hein? Comment il disait, il s'attendait plus? Puisque je lui ai dit que j'avais des problèmes, aussi des problèmes spirituels comme ça. Donc, ils ont beaucoup accentué. Mais j'ai arrêté aussi là-bas à cause de mes nombreuses petites cracasseries, là, que je ne suis pas stable. Bon, revenons donc sur. Donc, tu dis, Jésus a dit que sa maman a une place de choix et qu'elle est là-bas au ciel, corps, âme, esprit. Et il écoute beaucoup. C'était là où tu étais. Il écoute beaucoup. Il me dit, tiens, par exemple, ma mère m'a confié telle quelque chose. Il dit même que, avant d'arriver à ce que je veux vous dire, il me dit ceci, que quand j'ai commencé à être en contact avec le Saint-Esprit. Comme je vous dis là, que j'étais tellement jovial d'entendre la voix, là, j'étais content. Chaque fois, j'ai dit, il fallait que je prie. Pour que la voix soit là. Oui, le jour, la nuit, pour que la... Il est content, il ne se fatiguait pas. À n'importe quelle heure où je me réveille, on se met à prier. J'étais... Il dit que c'est ma maman qui vient, ma sainte mère qui vient me dire que... Fais attention avec lui. C'est-à-dire qu'elle est un peu dans... Je dirais euphorie, la voix l'intéresse, elle ne sait même pas effectivement ce qu'elle est en train de vivre. Elle ne mesure pas. Jésus te dit que c'est sa maman qui l'a rendu compte comme ça. Elle ne mesure même pas ce qu'elle est en train de vivre effectivement. Et c'est un peu de. De le temporiser, de la temporiser, de la canaliser. Oui, de regarder, oui. Donc il me dit que. Je vais aussi prendre un certain aspect de ma vie aussi. Comme j'ai connu beaucoup de problèmes financiers qui continuent même jusqu'à maintenant, mais il m'a fait comprendre que c'est les mauvais esprits là, qui bloquent tout ça. Oui, qui me bloquent la vie et tout. Concernant les esprits de pauvreté là, j'en avais. Parce que les gens ont tellement puisé. Moi, ils ont tellement puisé. Parce que ces gens-là, c'est le monde, justement. Ces hommes de Dieu-là, j'ai envie de dire, le monde céleste. Les ténèbres. Le monde céleste, ils ne disent pas des choses de manière crue. Parce que je dirais que le Seigneur Jésus, il est un fin psychologue. Même pour moi, comme je vous dis que je n'avais jamais manifesté là, parce que c'est lui qui me fait comprendre que j'ai les mauvais esprits en moi, malgré que le fait qu'il soit là. Parce que l'Esprit de Dieu, lui, ne m'a pas dit. Donc, il me dit que pour te faire comprendre que même comme je suis là et que tu vis ce que tu vis là, tu as un côté qui n'est pas bon, quelles des choses qui se sont passées dans ta vie. Il dit qu'il a d'abord regardé la suite parce que j'étais convaincue que la présence de Dieu, je ne connaissais pas que je pouvais être que possédée. Je vous dis que je n'avais jamais manifesté. Jamais manifesté. Donc quand j'ai eu à commencer à voir maintenant un autre aspect de la Vierge Marie aussi, pour me dire que c'est les gens qui me sont proches, qui m'ont atteint comme ça. Elle me dit que, elle m'envoie dans la Bible. Elle me dit de lire Joseph dans l'Ancien Testament, l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament. Ce que ses frères lui ont fait comprendre que

la famille de Nazareth là, mm-hmm. comment elle est élevée. Elle était vraiment modeste. Mm-hmm. Et on dit quoi? On dit que l'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Mm-hmm. Donc comme elle, elle a vécu dans la modestie, mm-hmm. la Vierge Marie. Donc elle m'a montré, elle dit que quand tu vas acheter tes habits à la friperie là, je vais te montrer comment on les lave pour que ça ne s'abîme pas, parce que c'est des vêtements que si tu les laves mm-hmm. de manière, ça va facilement s'abîmer. Elle me montre comment on les lave, comment pour que ça ne s'abîme pas les mm-hmm. tu. Ça veut dire que j'ai donc compris que chez nous, par exemple, les catholiques, oui. on dit souvent que le Seigneur Jésus était pauvre. Mm-hmm. Et parfois, même dans la crèche, on nous fait un petit bébé là, un bébé qui vient de naître, mm-hmm. mais il est torse nu. Mm-hmm. En fait, moi, je ne dis pas que là, on m'a dit. Mm-hmm. Mais quand moi, je regarde souvent ça, je dis que, comment ça? C'est vrai. Mm-hmm. C'était un bébé qui avait une lourde destinée. Mais à peine né, il ne va pas quand même commencer sa croix. Et tant, il faut quand même bien habiller mm-hmm. le bébé, la couvrir mm-hmm. et tout. Dans l'image, là, moi, je ne suis pas toujours... D'accord avec ça. Et vous voyez comment je ne sais pas, mm-hmm. comment je cause aussi un peu avec vous, que mm-hmm. j'ai tendance... Le Seigneur m'a dit que même avec moi, mm-hmm. quand il y a quelque chose qui cloche, mm-hmm. tu peux me dire que mes Seigneurs, dans les Écritures, quand je te dis quelque chose qui mm-hmm. ne cadre pas avec les Écritures, mm-hmm. tu attends d'abord pour vérifier si c'est vraiment ma voix. Une parce qu'il m'a dit que les voix peuvent, l'ennemi peut s'immiscer. Voilà. Que je dois, surtout comme je suis que j'ai eu mm-hmm, ces choses-là. Que l'ennemi est. Il dit que je dois faire. Il faut que tu saches discerner quand c'est l'ennemi ou pas. Oui, oui. Mais comment tu vas savoir que c'est l'ennemi puis qu'il il parle? Il dit qu'au nom de Jésus-Christ, mm-hmm. que je dois toujours prier qu'au nom, tout même le Père, mm-hmm. Quand il vient, au nom de Jésus-Christ. Mm-hmm. Même pour chasser, même l'esprit du Père, il dit au nom de Jésus-Christ. Mm-hmm. Il dit que le Seigneur Jésus-Christ, c'est le socle, c'est la plateforme. Mm-hmm. C'est lui qui, comme on dit, qui vient réconcilier. Mm-hmm. Parce que. Avant le péché, on mmh. dit que le Seigneur venait souvent causer avec Adam. Mmh. Ça se passait. Maintenant, c'est le péché qui vient rompre cela. Trompe. Mais maintenant, c'est le Seigneur qui... Donc, pour moi, mmh. comme je dis toujours, que moi, parce que je suis toujours en train de... Mmh. Je me dis que peut-être, c'est un peu ça qu'il a envie. Puisque le Seigneur Jésus qui a déjà rétabli. Oui. Ça veut dire qu'il essaye déjà aussi peut-être de... Qui oui. sait, moi. Donc, c'est un peu... Je te pose une question directe. Oui. Et de Jésus et du Saint-Esprit et du Père, t'ont-ils montré un verset dans la Bible pour dire Marie est montée au ciel? Ils ont parlé de ça dans la Bible? Non, non. Est-ce qu'ils ont dit comment ça a commencé pour qu'on commence à parler de Marie sur la terre comme ça? Non. Nous n'avons pas parlé de cela. Oui, peut-être parce que je n'ai pas aussi posé de questions. Mmh. Ils ont dit que pourquoi ce n'est que l'Église catholique qui le fait? Non, je ne suis pas non plus ancré dans C'est-à-dire que tu es allé par exemple chez Ekané. Tu ne vois pas de statues d'abord, ni des trucs. Peut-être chez les pentecôtistes, tu y allais, tu as dansé un peu de musique. Et ici, en Simalène, au sanctuaire, oui, il y a beaucoup de choses, moi, homme de Dieu. Je ne peux pas vraiment m'étendre. Mm. En ce qui concerne les statues là et tout. C'est là que je dis que je ne peux pas vraiment. Si... Glisse-nous quelques biscuits, c'est moi. Hein? Donne-nous quelques biscuits concernant cela. Je ne pense pas que ça... Comme je vous l'ai dit tout à l'heure que. Et il m'a bien précisé, quand tu vas causer, rencontrer un homme de Dieu, mm-hmm. ne tire pas là-bas, ne tire, il ne peut pas se perdre. Mm-hmm. Tu prends un canevas, mm-hmm. mais avec le temps, c'est-à-dire on prend, tu c'est un peu aussi comme la Bible. Hein. Si dans la Bible on prend là-bas, mm-hmm. d'abord la Bible, c'est que tu poses la question là, ça ouvre encore au moins deux, tu, mm-hmm. c'est comme l'arbre de partie, comme on dit en mathématiques. Mm-hmm. Donc vous voyez que je ne peux vraiment pas m'étendre sur... Mm-hmm. On a eu abordé beaucoup de sujets. Mm-hmm. Je vous ai dit qu'on a abordé la question de l'Église. Je vous ai dit, son Église demeure une et sainte. Oui, les hommes de Dieu passent le temps à se fustiger, oui. mais lui sait. Oui, il amène l'église. Là, quand il parle de l'église, que son église est sainte, il parle de quelle? Laquelle? Mais tout ce qu'on voit là. Il a parlé d'église. Mm-hmm. Il n'a pas mis un nom. Oui, oui. Mais toi, tu dis que tu es catholique. Oui. Mais lui, il dit que son église, elle, est sainte. Suis bien la chose. Non? Je t'écoute. Lui, il dit que son église est sainte et unique. Là, mm-hmm. tu as les hommes de Dieu partout. Chez les pentecôtistes, encore, c'est très grave. Ah. Il y a ici, il y a ici, ici. Suis un peu la logique. Oui. En temps, il y a l'Église catholique. Je te comprends parfaitement. On en a parlé. Voilà. On en a parlé. Voilà, dis-nous. Mais je ne suis pas obligée de. Mm-hmm, peut-être avec le temps. Oui. Peut-être. Donc. Parce qu'il m'a aussi dit une chose. Mm-hmm. Que quand tu causes avec les hommes de Dieu, sois-en sûr que ce que tu es en train de dire, mm-hmm. il va le comprendre. Mm-hmm. Je vais prendre un exemple. Par exemple,